Alléluia. Alléluia. Let us go to the Bible. Pour ça qu'il y a beaucoup à partager, mais allons à la Bible. And find the instruction to the church in the French Guiana. Trouvez les instructions de l'église dans la Guyane. Out of this message, the vision of the open heaven. Dans cette message-là, de la vision de la déroulement de ciel. And beautiful spiritual wedding rings in the sky. Et une jolie bague de mariage dans le ciel. The band spiritual. De bague spirituelle du ciel. In the sky. Dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Revelation 19, verses 6 to verse 9. Apocalypse 19, verset 6 jusqu'à 9. He says. Ça dit, then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters and like loud peals of thunder shouting, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Verse 6. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant, Hallelujah, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Let us rejoice and be glad and give him glory, for the day of the wedding has come and his bride has made herself ready. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of the saints, the righteousness of the saints. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Hallelujah. And then he goes on to finish by saying, then the angel said to me, write, blessed are those who are invited into the wedding feast of the Lamb. And then he said, these are the true words of God. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Alléluia. So that is where I want to begin from tonight. C'est de là où je vais commencer ce soir. He's saying, il dit, if you see the way the Bible celebrates, alors quand tu vois la façon que la Bible a dit qu'on célèbre le jour, the day that I have come to announce to French Guiana, le jour où je suis venu annoncer pour la Guyane, that celebration appears as though it is historic. Cette historic. A été déclarée comme un jour historique. It is as if heaven has never celebrated like that before. Ils ont dit même le ciel n'a jamais été célébré comme ça. Because he's saying like the grand multitude, millions and millions, they are shouting and celebrating. Ils ont dit des millions et millions, ils chantent et ils célèbrent. The grand multitude. La grande multitude. They're celebrating non-stop. Ils sont en train de célébrer non-stop. And when you listen to the way they celebrate historic. Et quand toi tu entends la façon qu'ils sont en train de célébrer historiquement, it right away speaks to you. It tells you. Ça te dit tout de suite. That this is the most important day in the history of the calendar of God. C'est le jour le plus mondialement historique dans le calendrier de Dieu. Meaning. Ça veut dire. Only the Lord knows the day and the hour. God the Father. Il y a que Dieu le Père qui connaît l'heure et le jour et le moment. That we know. Ça, on sait. However, comment? If you were allowed to look at the calendar of God the Father, seulement si toi tu pouvais voir au calendrier de Dieu le Père, opportunity to see, l'opportunité de voir, maybe you'll find he has marked it. Peut-être tu vas voir, il va le marquer. Marquer, classique, historique, célébrer, jubiler, féliciter. Alléluia! You don't know what he has written there. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a écrit là-bas. You might get, maybe he has marked grand jubilation. Peut-être il a écrit grande tribulation. Historic celebration. Historic célébration. Felicitation historic. Félicitation historique. Whatever, you don't know, but from the celebration you can tell. Mais n'importe, parce que par rapport à la célébration, tu pourras dire. But you don't know what God the Father has put there. Mais tu ne sais pas ce que Dieu le Père a mis là-bas. I'm saying in the manner of celebration, you can understand that this day is critical, is extremely important in heaven. Tu peux dire que ce jour-là est très important dans le ciel, c'est historique. In the manner of celebration. Dans la manière de célébration. Because. Parce que. Why? Pourquoi? Because. Parce que. At one point, Jesus, the King of Glory. D'un point de Jésus, le roi de gloire. He left heaven. Il a laissé le ciel. And he came on earth. Et il est venu sur terre. And he was abused by man. Et il a été abusé par l'homme. They abused him. Il a abusé de lui. And tortured him. Et ils l'ont torturé. And defiled him. Et ils l'ont délaissé. And they blackmailed him. Et ils l'ont donné de tous les bâtons. Mocked him. Ils l'ont ridiculisé. Quand il est venu. And the entire heaven. Et le ciel. They watched. Ils ont vu. They watched how the Son of the Living God. Ils ont vu comment le Fils de Dieu vivant was being abused. Est en train d'être abusé. By the very people he went to save. Par les gens où il a été pour sauver. Did you understand? Est-ce que vous avez compris? He was tortured on the cross. Il a été torturé sur la croix. I remember when the Lord showed me how Jesus was tortured. Je me rappelle quand le Seigneur m'a montré comment Jésus était torturé. Ever since that day, depuis ce jour, I crushed. Je suis écrasé. I could not take it. Je peux pas le supporter. I collapsed. Je suis resté choqué. I was shocked to see the Son of the Living God, the Messiah, being tortured like that. Je peux voir j'étais choqué pour voir le Fils. In fact, God the Father wanted to break me when He showed me that. Alors en fait, Dieu le Père voulait me casser. So even my voice, I cried until my voice disappeared. J'ai pleuré, ma voix a disparu. For many days. Pour plusieurs jours. In fact, for 3 months. 3 months. Alors en fait, pour 3 mois. So alors, the darling of heaven, the King of heaven, le roi de ciel. He brought his glorious feet. Il a amené ses pieds glorieux on our dusty roads. Sur notre terre sale. And we abused him. Et on l'a abusé. And on the day he was killed. Et le jour où il était tué. They said. Ils ont dit. We want Barnabas. Ils ont dit, on veut Barnabas. No, we don't want him. Non, on veut pas de lui. Kill him. Tue-le. We want they chose a robber. They chose a sinner, a thug. Ils ont choisi un voleur. They took a robber. Ils ont pris un voleur. They chose a sinner. Ils ont choisi un pécheur. And they said, my Lord should be killed. Ils ont dit que mon Seigneur soit mort. Listen to how the Messiah suffered. Écoutez comment le Messie a été souffert. Until he resurrected. Jusqu'il a été ressuscité. And ever since he resurrected. Et depuis la résurrection. And went heaven. Et parti au ciel. Heaven has been waiting. Le ciel est en train d'attendre. Where is the fruit of the cross? Où est le fruit de la croix? Where? Où? Heaven has been waiting. Le ciel est en train d'attendre. Did you understand why when that day arrives there is grand celebration? Est-ce que vous comprenez quand ce jour arrive il y a une grande célébration? Grand félicitation. Grande félicitation. Grand tribulation. Grande tribulation. Why? Pourquoi? Because parce que that is the day when finally the church that Jesus saved on the cross. C'est le jour où finalement Jésus a sauvé de la croix. The glory that he saved on the cross. L'église qu'il a sauvée à la croix. On that day, ce jour-là, finally, finalement, she defeats sin. Elle a laissé tomber le péché and enters. Et entré au ciel. So, alors, that is powerful because now heaven can see. C'est puissant parce que maintenant le ciel peut voir. The work that Jesus did on the cross. Le marché que Jésus a marché pour aller à la croix. Because when Jesus went to the cross, parce que quand Jésus a été à la croix, the devil laughed. He laughed. Il a rigolé. The way Jesus was abused. La façon que Jésus était abusé. And now, when the Lord looks at the church, et maintenant quand le Seigneur voit l'Église, the church of Christ, l'Église de Christ, it is as though, c'est comme, the church of Christ is crying for a second liberation. L'Église de Christ est en train de crier pour une deuxième libération. And so, et alors, there is a lot of fear. Beaucoup de peur, crainte. There is so much fear in heaven. Il y a beaucoup de peur au ciel. That if the church in the French Guiana does not prepare well. Si l'église de la Guyane n'est pas bien préparée. And that day arrives. Et ce jour arrive. Suddenly. Tout à coup. If she does not prepare well. Si elle n'est pas bien préparée. She will not enter. Elle va pas rentrer. And then the devil will laugh again. Et second time. Le diable va rigoler une deuxième fois. Did you understand? Est-ce que vous avez compris? And that's why. Et c'est pourquoi. He says. Il a dit. The day has been waited. Le long, jour long, est en train de l'attendre. Long waiting. Un long temps. En train d'attendre. But when the day arrives. Mais quand le jour arrive. Celebration. Célébration. But when you listen to the words they speak. Mais quand tu écoutes les paroles qu'ils disent. When they are celebrating. Quand ils célèbrent. They are saying, wow. Ils disent, wow. Surely our Lord God Almighty reigns. Sûrement le Dieu nous puissant, il règne. As if they are saying. Alors, j'entends qu'ils disent. that is the day that confirmed the word of you. C'est le jour qui a été confirmé, ils t'ont averti. As if. Alors. This is the day that confirms that God reigns. C'est le jour qui a été confirmé que le Seigneur Dieu qui règne. Why? Pourquoi? Because on this day. Parce que par rapport à ce jour. The sin. Le péché. That has been disturbing you. Qui a été en train de te troubler. Now. Maintenant. He says. Il a dit. That when there is a historic celebration. Quand il y a une célébration historique. When that day arrives. Quand ce jour arrive. He says, il a dit, that when you listen to what they are saying as they celebrate, quand tu vas entendre ce qu'ils disent quand ils sont en train de célébrer, you hear them saying, tu vas entendre dire, that the day they were waiting for has arrived, le jour qu'ils attendaient est arrivé, and when they looked at the bride, et quand ils regardent la fiancée, the bride of Christ, la fiancée de Christ, they found that she is also ready. Ils ont trouvé qu'elle était aussi prête. He's saying there is a historic celebration. Ils ont dit il y a une célébration historique. But the celebration has a reason. Mais la célébration a aussi une raison. There is a reason. Il y a une raison. And when you look at the reason, et quand il regarde à la raison, is because the long awaited day has arrived. C'est parce que le jour longtemps est arrivé. And when they look at the church, et quand ils regardent l'église, then they find that she's ready. Ils ont vu qu'elle était prête. And he says, ils ont dit, that when that happens, que quand cela arrive, the day arrives, le jour arrive, and the bride is ready, l'épouse est prête, then a historic celebration will break out in heaven. Il y aura une célébration historique dans le ciel. Meaning, ça veut dire, that celebration, cette célébration-là, is directly related to the preparedness of the church. Et pour directement ceux qui sont prêts pour l'église. But when you listen more carefully, mais quand tu regardes très finement, they explain how they are able to tell that the church is ready. Ils ont expliqué comment dire quand l'église est prête. How they can tell. Comment ils peuvent dire. He says, ils ont dit, the day arrives, le jour arrive, they look at the church, ils ont regardé l'église, and they find she's ready. Ils ont vu qu'elle était prête. How do they know she is ready? Comment ils s'expliquent qu'elle est prête? If they see that she's wearing fine linen, si ils voient lino fino, fine linen, si ils voient qu'ils sont habillés de lin fin, if they find that she's wearing fine linen, si ils voient qu'elle est habillée en fin lin. In Spanish, they call it lino fino. En espagnol, ils disent lino fino. So when they find that she's wearing fine linen, alors quand ils voient qu'elle est habillée en fin lin, bright and clean, brille et propre, then heaven can celebrate. Et maintenant, le ciel peut célébrer. So the celebration has a reason. A reason. Alors, there is a reason. La célébration a une raison. And so. Et alors. Because he has shown me the coming of the Messiah. Parce qu'il m'a montré le retour du Messie. I have seen the Messiah take the church. There is so much I have not shared. J'ai vu le Messie prendre l'église. And then sent me here. Et m'a envoyé ici. And then now. Et maintenant. You hear me talk about that event. Tu m'entends parler de evento, l'événement. The entry of the church. L'entrée de l'église into the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. How the church enters. Comment l'église rentre into eternity. Dans l'éternité. The very reason the church was born. La vraie raison où l'église est née. And then he says, et il a dit, the day arrives. Le jour arrive. And when heaven looks at the church, et quand le ciel regarde l'église, in the French Guiana, dans la Guyane française, find she is ready. Pour voir qu'elle est prête. How is she ready? Comment elle est prête? When they see she's wearing fine linen. Quand ils voient qu'elle est habillée en fin lin. It is in the Bible there. C'est dans la Bible là. Fine linen. Fin lin. Bright and clean. Brille et propre. Was given her to wear. A été donné pour elle pour porter. And then he says. Et il a dit. That the fine linen, dans le fin lin, is the righteousness of the church. C'est la justice de l'église. So you can tell why the Lord has sent me here. Alors tu peux dire pourquoi le Seigneur m'a envoyé ici. To come and announce to this nation. De venir et annoncer dans, pour cette nation. That this is the hour. Que c'est l'heure. For righteousness back to the lives of the Christians. De la justice dans la vie des chrétiens. To return. Pour retourner. To the lives of the Christians. De la lumière des chrétiens. In other words. Alors en autre mot. The Lord has sent me to tell you. Le Seigneur m'a envoyé pour vous dire. That without righteousness. Sans la justice. You will go to hell. Tu vas aller en enfer. And there is no joke about that. There is nothing funny about that. Il y a pas de blague, il y a rien de drôle dans ça. I wish I have time so I can preach for you the day when the Lord took me to hell and I saw hell. Je souhaite que j'ai le temps de prêcher pour vous le jour où le Seigneur m'a envoyé à l'enfer et j'ai vu l'enfer. You would not laugh. Tu ne vas pas rire. What I saw. Ce que j'ai vu. He took me to hell. Il m'a envoyé, il m'a montré l'enfer. That I may come back and warn you. Que je peux venir et vous avertir. And say, please, please, don't go there. Et dire, s'il vous plaît, n'allez pas là-bas. Do everything you can to enter here. Faites tout ce que tu peux pour entrer là. Did you understand me? Est-ce que vous avez compris? He's saying. Il a dit. That there is a standard for heaven. Qu'il y avait un standard pour le ciel. Fine linen. Le fin lin, bright and clean, brille et propre. Because it's very easy to come here, do 2 days of healing service and go. C'est facile de venir là et faire 2 jours de guérison et partir. And the Lord heal people. Et le Seigneur guérit les gens. But what is the point? Mais c'est quoi le point? To see those miracles. De voir ces miracles. And then you go to hell. Et voir et aller en enfer. Kenya. Kenya. For Kenya to see this revival. Pour Kenya de voir ce réveil. This is the foundation. C'est ça cette fondation. The healing miracles I share with you. Les guérisons miraculeuses que je partage avec vous. Their foundation is righteousness. Les fondations c'est la justice. Why? Pourquoi? Because of time. Parce que par rapport à l'heure. The Messiah is coming. Le Messie revient. Everything right now is for the Messiah. Tout maintenant c'est pour le Messie. He's saying. Il a dit. That when the day arrives. Quand le jour arrive. And heaven looks at the church. Et le ciel regarde à l'église. And find that the garment Jesus gave the church gratis. Jesus gave gratis to the church. Et voir le linge que le Jésus a donné gratuit à l'église. And finds that you have maintained it. Et trouve que tu l'as toujours sur toi. Fine linen. Fin lin. Bright and clean. Brille et propre. Then there will be celebration in heaven. Alors là, il y aura la célébration au ciel. In other words. Alors dans d'autres mots. The Lord has sent me here to tell you. Le Seigneur m'a envoyé ici pour vous dire. That when Jesus died, quand Jésus est mort, on the cross, sur la croix, he gave us a garment. Il nous a donné un linge, un habit. He gave us a garment. Il nous a donné un linge. The garment of righteousness. Le linge de la justice. In other words, autre mot, he's saying, il a dit, that when heaven looks at the church now, quand le ciel regarde à l'église maintenant, in the French Guiana. Dans l'église en Guyane. He sees they are crucifying Jesus again. Ils sont en train de voir Jésus en train d'être crucifié encore et encore. The church, not the world, the church. L'église, pas le monde, l'église. Because. Parce que. The church in the French Guiana now. L'église en Guyane maintenant. She's behaving as though. Elle est en train de se comporter comme ceux. The first Calvary, première calvaire. La première calvaire. Is not sufficient. C'est pas suffisant. To deliver the church. Pour délivrer l'Église. The church now. L'Église maintenant. In this nation. Dans cette nation. When you look at the garment that Jesus gave the church. Quand tu as regardé la robe que Jésus a donnée à l'Église. You see some stains. Tu vois des taches. On the garment. Sur la robe. The first stain you see is called sexual. sexual immorality. La première tâche que tu vois, c'est l'immoralité sexuelle. Right from the young girls. À partir des jeunes filles. The Lord, le Seigneur, is not showing me a movie. Ne me montre pas un film. Non. Non. Non. God does not have time to show me a movie about French Guiana movie. Dieu n'a pas le temps de me montrer un film de la Guyane française, un film. Il n'a pas le temps. God is serious. Dieu est sérieux. The devil, le diable, might laugh with you, smile, laugh with you, likes laughing with the church a bit. Il aime rigoler avec l'église. Il aime rigoler. Joking with her, laughing with her. Il aime faire des blagues avec. But the devil is serious. Mais le diable est sérieux. He wants to take you to hell. Il veut t'amener à l'enfer. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? The devil does not joke. Le diable ne fait pas de blagues. Ask me. Demande-moi. He has taken me to hell. I have seen hell. Il m'a amené en enfer. J'ai vu l'enfer. So that I can warn you. Pour ça, je peux t'avertir. Do everything and enter heaven. Fais tout pour entrer au ciel. So if you look at the garment, alors si tu regardes la robe, that this nation is wearing now, the church is wearing, que l'église porte en ce moment, there is no difference, y a pas de différence, between the non-Christian, entre les non-chrétiens, and the Christians, et les chrétiens. Then you ask, après tu te poses la question, but where is the blood of Jesus? Où est le sang de Jésus? Did you understand me? Est-ce que vous comprenez? So that's why I don't come to joke or smile, no. C'est pour ça que j'aime pas les sourires et les blagues. I have too many countries listed. J'ai beaucoup de pays en train de lister. That I need to go to and warn them also. Que je dois aller les avertir aussi. Did you understand me? Est-ce que vous comprenez? The devil does not come to laugh. Le diable ne rigole pas. The devil wants you to spend eternity with him. Il veut que tu passes l'éternité avec lui. In hell. En enfer. Where the fire never stops burning. Là où le feu ne s'arrête jamais. Where the worms never stop eating your body. Là où jamais les vers n'arrêtent pas de manger ton corps. I wish I can tell you what I saw. Je souhaite vous dire ce que j'ai vu. You would run away from the devil. Vous allez courir du diable. Even just the pus that pour, the blood become pus and pour like this and the stench. Même le sang qui pue est dans tous les sens. Actually, is mixed with some with excrement or things like that. I wish I can tell you what I saw. Je souhaite vous raconter ce que j'ai vu. You would never laugh again. Vous jamais vous allez rigoler encore. He's saying. Il a dit that this is the hour for the nation to return to righteousness. C'est l'heure pour la nation de se retourner vers la justice. He's saying. Il a dit. That if there is any light that the church is supposed to shine in the nation. Est-ce qu'il y a une lumière où l'église doit briller dans la nation? Then that light is called righteousness. Cette lumière s'appelle la justice. He's saying. Il a dit. That it is amazing. Que c'est incroyable. That time is over. Que le temps est terminé. And other nations are preparing with God the Father himself. Que d'autres nations sont en train de se préparer avec Dieu le Père lui-même. Hallelujah. Hallelujah. That's why I said. C'est pour ça que j'ai dit. If you will hear the instruction. Est-ce que tu prends les instructions? Then you will know that you need to walk quickly. Là tu vas voir, te rendre compte, tu dois marcher vite. The Bible says. La Bible dit. Make every effort to live in peace with all men. Fais tous tes efforts de vivre dans la paix avec tous les hommes. And to be holy. Et d'être saint. Then he says, et puis il a dit. For without holiness. Parce que sans la sanctification. Nobody. Personne. Nobody. Personne. Nobody. Personne. Will see the Lord. Verra le Seigneur. Did you understand me? Est-ce que vous avez compris?